de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je reçois Cosmos, comment vas-tu? Je vais bien, ça fait plaisir de revenir à Radio Guémozo. Tu es venu combien de fois? On va dire une dizaine de fois. Ah ouais, quand même. Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs qui ne te connaissent pas, et à moi aussi du coup? Je m'appelle Cosmos, ou plus précisément Cosmos NAH, et je suis un slammer engagé contre le harcèlement scolaire. Alors pourquoi ce nom d'artiste? Cosmos, j'ai trouvé ça... Je trouve que c'est un nom qui me résume beaucoup. Et ce nom-là, je l'ai trouvé en écoutant Soprano, notamment son titre Cosmos. Et vu qu'à l'époque, j'aimais bien ce titre-là, je me suis dit, je vais m'appeler Cosmos. Il parlait aussi de... De cosmopolitanie. Voilà. Et vu que la cosmopolitanie, c'est mon idéologie, je me suis dit, je vais m'appeler Cosmos. Depuis combien de temps tu t'es lancé dans le monde musical? Oui, j'ai commencé... Mon premier texte, je l'ai écrit en 2013. Et après, j'en faisais un petit peu en 2014. J'ai repris en 2015... Et 2016, j'ai signé contrat avec le Airplay. Et c'est à partir de là que ma carrière musicale s'est lancée. Tu es auteur et interprète. Qui compose tes sons? C'est des beatmakers. C'est donc, quoi? Des beatmakers, c'est des personnes qui composent pour d'autres personnes. Et toutes les musiques qui sont dans Plus que tes paroles, elles ont été composées au studio Airplay Records par le beatmaker Dorian. Alors comment est-ce que tu sélectionnes les textes qui apparaîtront sur tes prochains albums ou sur les anciens? Sur les anciens, c'est un titre qui a un sens. Je cherche un sens et je l'ai choisi pour vraiment avoir une symbolique. Comme NAH, c'est le sigle non-harcèlement. D'accord. Ce sigle-là, c'est ce qui m'a lancé à écrire ce texte. D'accord. Parce qu'il y avait un hashtag qui circulait, hashtag NAH, et les lettres-là, quand je les ai vues, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, faut que je réécrive un texte sur le harcèlement. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Tellement de choses, et malheureusement, ça évolue très peu. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de promesses. On dit qu'il y a des lois qui sont faites, mais on voit une nette progression quand même. Je ne vais pas faire la mauvaise langue. On voit qu'il y a une belle progression comparée à 2013. Mais c'est toujours là. Et il y a beaucoup d'établissements qui font le tabou. On parlera de harcèlement scolaire juste après. Mais je voulais savoir, c'est quoi un EP? Un EP, généralement, c'est un CD composé de 5 à 6 titres. C'est ce que j'appelle un mini-album. Justement, comment est-ce qu'on enregistre un disque? Alors là, c'est un travail de monstre. Vraiment un travail de monstre. Je me rappelle quand on enregistrait avec Mustapha et l'équipe du Airplay. Il y avait des matins, ça allait tout bien. Puis après, on pouvait galérer sur même pas une demi-seconde pendant toute une après-midi ou une matinée pour vraiment avoir une bonne qualité de son. Et vu qu'on était dans un studio professionnel, on n'était pas dans mon petit studio portable avec un ordinateur et... un micro acheté sur Amazon. Non, on était vraiment sur quelque chose de très professionnel. Et j'avoue que 2 ans pour faire un EP, je trouve que c'est rapide. Ah quand oui, on débute seulement, je trouve que c'est rapide. Est-ce que tu es assez exigeant quand tu enregistres ou pas? Un peu. Disons que au studio, c'était beaucoup Mustapha et Dorian qui m'expliquaient les choses pour avoir une meilleure qualité de son. Et dans mon studio, je fais un peu à la Godard, c'est-à-dire que je lance l'enregistrement et je dois être parfait sur toute la lignée. Ah oui. Et parfois, ça m'arrive qu'il y ait des bugs. Donc, je recommence tout depuis le début en une seule prise. Et c'est beaucoup plus fatigant en une seule prise qu'en studio professionnel. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'écrire un texte mais que ça ne te plaise pas forcément en l'enregistrant? Pas vraiment. Disons que quand j'enregistre un texte, je vois qu'il prend une autre dimension. Et parfois, c'est vraiment magique. Je trouve que c'est vraiment magique à la manière professionnelle. À la manière dans mon bureau où j'enregistre tout et n'importe quoi. C'est vrai que parfois, quand je réécoute, je me dis « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais en studio professionnel, on a une autre dimension. J'ai l'impression de voir le texte en 3D. Et ça me permet aussi de mieux comprendre ce que j'ai écrit. Parce que parfois, j'écris et je me dis, mais pourquoi j'ai écrit ça ? Inconsciemment, je me dis, mais pourquoi j'ai écrit ça ? Et en l'enregistrant, en l'interprétant, mon inconscient fait comprendre à ma conscience le pourquoi de ce texte. Et ça me permet de mieux défendre le texte, oui. Est-ce que tu te souviens du tout premier texte que tu as écrit ? Oh oui, c'était en 2013. J'étais vraiment harcelé comme c'est pas permis. Et à l'époque, c'était l'apogée de Section d'Assaut. Et ils avaient sorti l'album L'Apogée. Et j'avais fait un premier texte, c'était sur une instrumentale d'Africains. Leur musique qui se nomme Africain. Et je parlais du harcèlement là-dessus. Et j'ai eu le cran de faire ça en musique. Et là, on parlait que de ça dans la cour. Si bien que mes harceleurs n'ont pas trop aimé ça, ils m'ont agressé, ils m'ont dit « t'as pas le droit de chanter, c'est n'importe quoi, c'est de la merde ». Donc j'ai continué en cachette jusqu'en 2015 où j'ai un petit peu arrêté. Et après, suite à de grands événements, je me suis dit « finalement, je vais reprendre l'écriture ». Et c'est là que NAH est né. NAH a lancé toute la lignée de Plus que des paroles. Est-ce que l'écriture est du coup le slam ou le rap ? C'est du slam ou du rap que tu fais ? C'est plus du slam. Est-ce que c'est un exutoire pour toi d'écrire ? Oui, vraiment, du moins, c'était un exutoire pour vraiment m'aider à avancer au collège. Et après, à l'université, oui, c'est vrai que ça m'arrive d'écrire. Mais c'est plus le théâtre, parce que je suis beaucoup dans les études dramaturgiques. J'ai repris des études dramaturgiques et là, je suis en train d'étudier d'autres dimensions. Et j'espère que de grands projets vont naître à Remiremont ou dans les Vosges, dans les alentours. Est-ce que tu as déjà eu des retours de personnes harcelées qui te remercient d'écrire des textes comme ça ? Énormément, énormément. C'est vrai ? D'ailleurs, le peu de personnes qui me suivent énormément, c'est ces personnes qui ont réussi à se relever grâce à mes textes. Et ça me fait énormément plaisir parce que le but numéro un, c'était faire un CD dans le but d'en faire un outil thérapeutique pour ceux qui sont harcelés. Et le fait d'avoir aidé plusieurs personnes, aussi bien en intervention qu'en concert, ça m'a fait énormément plaisir. Et je sais que, du moins j'espère que maintenant ils vont bien et qu'ils avancent. Justement, tu disais que tu montais sur scène. Est-ce que tu as le track avant de monter sur scène ? Alors, la première fois, quand on monte sur la scène du Palais des Congrès, on a un trac énorme, plus qu'au théâtre. Du moins, je ne saurais pas décrire ce trac. J'étais blanc comme un linge, même Mustapha hésitait à me mettre sur scène, et je ne sais pas pourquoi je me suis lancé sur scène. J'avais tellement le trac que j'avais perdu l'usage de ma main gauche. Ah oui. C'est pour vous dire, j'avais été fourmi dans la main gauche et je ne pouvais plus la bouger. Et du coup, une fois que tu t'es mis à interpréter tes textes, ça a été mieux ? C'était incroyable, parce que j'étais en face d'un public qui était beaucoup plus grand qu'une classe, du moins qu'une salle de classe. Vraiment, c'était incroyable, parce qu'il y avait un silence, et j'avais l'impression de casser l'ambiance, mais au fait, non, il m'écoutait. C'est vrai que c'est impressionnant. Est-ce que tu t'es produit tout seul le jour-là ou c'était uniquement, tu faisais la première partie d'un autre artiste ? Alors, on devait faire la première partie de Pierre-Paul Jacques, qui n'a pas pu se rendre. C'était le 6 mai 2017. Et oui, il y avait plein d'artistes. Il y avait tous les artistes du Airplay et quelques invités. Et ouais, la soirée-là, ça a été un beau baptême, très beau baptême. Combien est-ce qu'il y a d'albums et d'EP à ton actif ? Qu'un seul. Est-ce que tu chantes tout seul tout le temps ou pas ? T'as déjà fait des featuring ou ? C'est un projet où on réfléchit avec des artistes. Mais j'ai un peu mis de côté la musique parce que les deux dernières années, on va dire 2020-2021, musicalement, ça a été très très compliqué. Et oui, je m'en suis rendu un peu malade, faut dire ce qu'il en est. Compliqué, pourquoi alors du coup ? Disons que artistiquement, j'avais l'impression qu'il y avait très peu de personnes qui écoutaient mes textes. Je voyais le harcèlement qui montait en flèche. J'ai écrit au président Emmanuel Macron qui m'a répondu en disant « Je salue votre du moins vos actions, mais sans réelle aide. Toutes les personnes politiques à qui j'ai parlé, que ce soit les maires ou les sénateurs, j'avais l'impression que c'était juste de belles paroles. Et j'étais un peu manipulé par de mauvaises personnes. Et c'est le Airplay qui m'a repêché et qui m'a dit de faire quand même une petite pause parce que humainement, j'étais en train de me détruire. Faut dire ce qu'il en est. Je devenais fou de voir le taux de suicide remonter et que les personnes me disent en écoutant mon slam, bah écoutez, ça nous intéresse pas. Je disais, mais. Et après les confinements, psychologiquement, c'était très difficile. Puis c'est d'autant plus violent le harcèlement parce qu'il y a le harcèlement sur internet aussi, ça a la portée de tous. Oh là, j'ai une chance incroyable de ne pas avoir eu les réseaux sociaux au collège, vraiment. Parce que, oui, c'est vrai que ça monte sur les réseaux sociaux. Si bien que commence à avoir des politiques de police sur les réseaux sociaux, et moi je le dis depuis le début, il fallait la faire. Donc qu'ils le fassent seulement. Je trouve que c'est pas très bien réfléchi. Bah c'est ça, puis en plus c'est un peu trop facile d'accès dans le sens où ils disent que vous avez 13 ans. Bah oui, mais c'est pas vérifiable quoi. Malheureusement, oui. C'est ça le souci. Après, je vais pas dire que je vais lancer une idée, mais c'est vrai que ça serait bien que par exemple on puisse peut-être pas scanner la carte d'identité, mais bien vérifier que la personne a 13 ans ou soit majeure vraiment. Oui, d'ailleurs, je pense qu'il faudrait interdire les réseaux sociaux au moins de 16-17 ans. Parce que avoir les réseaux sociaux à 10, 12 ans ou 13 ans, c'est beaucoup trop tôt. Et puis bien souvent, ils sont cruels entre eux, les ados. Très cruels. Les ados sont très cruels entre eux. Et ils s'en rendent pas compte, parfois. Tu as un sujet particulier dans tous tes textes. Est-ce que tu parles que du harcèlement scolaire ou un peu d'autres choses aussi? Je parle de la diversité, de la cosmopolitanie. Mm-hmm. Et j'accentue vraiment... sur le bien vivre ensemble, sur le fait de ne pas être divisé pour des idéologies parfois débiles ou des politiques qui parfois sont vraiment débiles, faut dire ce qu'il en est. J'aime pas trop faire de politique, mais il y a certaines politiques, je me dis, mais c'est pas possible. Et vraiment, j'accentue sur la non-violence, même si c'est pas évident, que ça n'a pas été évident pour moi aussi. La non-violence... et une forme de grande puissance. Donc j'accentue vraiment là-dessus. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, il y a souvent des clans. C'est ça le souci. C'est ça qu'il faudrait en fait, que tout le monde se réunisse, mais il y a encore des clans, quoi. Malheureusement, oui, on est beaucoup trop attachés aux clans. Par exemple, j'appartiens au clan de ci, j'appartiens au clan de ça. Ça me gêne un peu. Moi aussi. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler d'un sujet qui est malheureusement toujours d'actualité, à savoir le harcèlement scolaire. Donc on se retrouvera juste après avoir écouté un de tes titres qui s'appelle NAH et Indochine. À tout de suite sur le 107. Longtemps dans mon cœur, j'ai gardé ce mal-être que j'ai trimballé avec moi lorsque je croisais les traîtres. Aujourd'hui, j'ose en parler de ces années d'enfer. Trop d'enfants à l'école et sur internet ont souffert. Descendant d'un métissage, on m'appelait le bâtard. Voilà pourquoi moi-même, j'avais ce coup de poignard. Je pouvais pas garder la tête haute comme je le pensais. Car trop d'injustices en ces années se sont accumulées. Les insultes te font mal car tu crois qu'elles ont raison. Faire du mal pour le sourire est-elle une bonne raison? Tous ces visages noircissent à force d'être souffre-douleur. Tu te caches pour vider ton sac de pleurs. Toi qui souffres tous les jours, tu aimerais en finir. Mais quand tu t'approches du collège, tu entends déjà les fous rires. Garde confiance en toi, je sais de quoi je parle. Et c'est pour ça que maintenant, je veux que ce soit toi qui parle. Ces gens qui souffrent en ce moment. Tous les gens qui souffrent. Je dis non au harcèlement. Pour rendre ce monde meilleur. Pour le rendre meilleur. Je fais exprimer les cœurs. Exprimons nos cœurs. C'est à toi que je pense, petit. C'est à toi qu'on pense. C'est pas toujours vrai ce qu'on dit. Si personne veut t'écouter. Si personne t'écoute. Viens, je saurai t'aider. On sera toujours là. Quand je repense aux grands qui se sont suicidés, Mathéo, Bruno, Marion, Fraisse, je me dis là c'est décidé. À force de coffrer tant de haine dans un si petit corps, j'ai remarqué qu'avec le temps, j'étais moins fort. Ouvrez les yeux, juste un instant. Dans les écoles, c'est pas un seul, c'est plusieurs enfants. Nora, je pense fortement à ta fille. En

want to see you. Voilà avec Cosmos sur les ondes de RGM. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis midi. Et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, Orange Radio, Radio Line et par l'application mobile Les Radios Associatives. Le harcèlement scolaire existe depuis très longtemps, mais il y a deux personnes qui ont mis un nom sur ça. Il y a d'abord Anatole Picasse, qui peut être considéré comme le tout premier auteur à avoir théorisé dès 1974 seulement cette forme particulière de violence entre élèves. Quelques années plus tard, le Norvégien Dan Olweus, c'est pas facile à prononcer, fera connaître sous l'expression « school bullying », que l'on peut traduire par brimade et intimidation à l'école. Le harcèlement scolaire est médiatisé depuis trop peu de temps à mon goût. Ce que je trouve aberrant, c'est qu'il y aura fallu qu'il y ait des catastrophes pour qu'enfin les gens ouvrent les yeux et que le pouvoir en place agisse enfin contre ça. En France, un élève sur 10 est victime de harcèlement. Certains finissent même par en mourir. Il y a deux personnes qui sont tristement célèbres, à savoir Marion Fraisse et Jonathan Destin. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur ces deux personnes ? Oui, Marion Fraisse, c'est une affaire que j'ai connue dès 2013, j'en ai entendu parler. Mm-hmm. Et en 2014, j'ai vu le reportage « Souffre-douleur, il se manifeste » où Jonathan Destin témoigne. D'ailleurs, Jonathan Destin, j'en ai entendu parler en 2013. Du moins, 2013, pour moi, ça a été l'année de l'hécatombe pour le harcèlement scolaire. Mm-hmm. Parce qu'on commençait à parler des suicides, des brimades. On commençait par en parler dans les médias. Mm-hmm. Et plus je voyais ça, plus je me disais, mais c'est ce que je vis. Et c'est ce qui m'a lancé dans cette lutte contre le harcèlement scolaire. Mm-hmm. Parce que j'étais en quatrième et cette année-là, ça a été vraiment l'enfer. Le terme brimade, il me dérange un peu. Les gens prennent un peu trop les choses à la légère. Moi, pour moi, brimade, ça veut dire ces deux jeunes qui chahutent entre eux. Oui, vraiment, je suis d'accord avec vous. Le harcèlement, c'est vraiment une forte violence. Une violence à la fois psychique et physique. Et personnellement, quand j'entends les témoignages, systématiquement, je me reconnais. Mm-hmm. Parce que personnellement, en sixième, je me faisais un petit peu harceler, mm-hmm. mais le directeur, il agissait tout de suite. Mm-hmm. Quand je disais, une personne m'a fait du mal, il convoquait la personne et ça allait parfois jusqu'à trois, voire même une semaine de punition. Le directeur de mon année de sixième était vraiment carré là-dessus. Mm-hmm. Puis en cinquième, je change de directeur. Ça commence un peu par m'embêter, le harcèlement. Et je vais voir le directeur avec mon père. Et le directeur en question nous fait un speech, mais complètement à côté de la plaque. Mm-hmm. Puis il lit mon bulletin qui était pas très bon à l'époque, devant mon père en plus. Donc non seulement il s'en fichait un peu, mm-hmm. mais à la fois dans ce rendez-vous, il m'a presque dit « si on t'embête, c'est peut-être un peu de ta faute ». Donc je l'ai mal pris, je me suis dit « bon, puisque c'est comme ça, je vais me taire mm-hmm. ». Et je laissais passer. J'arrivais à laisser passer mm-hmm. parce que je m'étais fait une petite carapace. Puis en quatrième, il y a une nouvelle fille dans ma classe et je tombe amoureux de cette fille. Mmh. Et cette fille me friendzone. Mmh. Bon, se faire friendzoner, c'est... Avec du recul, je trouve que c'est beau parce que elle refuse à la fois l'amour charnel, mais elle accepte l'amour amitié. Mmh. Mais ça s'est su très vite dans le collège. Et là, ça a été l'enfer. Ah oui. Parce qu'ils m'ont rabaissé plus bas que terre. Et même, il y en avait qui me disaient « Ça fait 2 ans qu'on te dit que t'es une merde, que t'as rien à foutre sur terre. Mmh. Et il a fallu que ça soit une fille que tu aimes qui te le dise. Mmh. » Et toutes les filles, elles vont être comme ça. Quand elles vont te voir, elles vont dire « Ah, c'est quoi de ce moche ?» Mmh. Donc depuis, oui, malheureusement, j'ai des petits problèmes avec ça. Mmh. Parce que... C'est vrai que parfois, quand je me regarde dans une glace, je me dis, je serais peut-être mieux comme ça, comme ça, comme ça. Donc, j'ai commencé à être miné mm-hmm. depuis cette période. Mais vu que j'étais blessé dans mon cœur, ils en profitaient pour vraiment me faire vivre un enfer avec n'importe quoi. Mm-hmm. Comme une fois, je me souviens, pendant une semaine, il y a des personnes qui ont commencé à dire que j'étais... un bâtardé cochon d'Inde. Parce que mon père est portugais et ma mère française. Mmh. Alors, il y en a un qui m'a dit « Ah oh ben, ça fait comme les chiens, ça fait des bâtards. C'est pour ça que t'es ma boule dans ta tête. Mmh. » Donc, ça fait plaisir d'entendre ça. Et pendant une semaine, ils ont fait ce qu'on appelle une loi anti-bâtard. C'est-à-dire que celui qui me disait la pire insulte, eh ben, il était accepté dans un clan. D'accord. Où il avait des bons becs, des trucs comme ça. Mais il fallait que je me taise. Il fallait mmh. que... Même si ceux qui voyaient ça, il fallait qu'ils se taisent. Mmh. Parce qu'ils avaient peur des représailles. Et vraiment, mes harceleurs, c'était déjà des personnes à la fois populaires, non populaires. J'avais tous les clans sur ma gueule. Mmh. Et... Là, j'ai commencé par avoir des pensées suicidaires, malheureusement. Et ça s'est calmé un petit peu. En troisième, je me suis dit, voilà, c'est la dernière année. J'obtiens mon brevet et je me casse de là. Ça n'a pas été facile, parce que j'étais séparé de mon meilleur ami, qui m'a beaucoup aidé en quatrième face au harcèlement, parce qu'il était en troisième, donc il était un peu plus puissant que les autres. Mm-hmm. Donc il m'a beaucoup aidé. Mm-hmm. Je pense que sans lui... Non, je n'aurais pas tenu. Et sans ma copine qui m'a friendzonné, je n'aurais pas tenu non plus, parce qu'elle m'a aidé aussi. C'est ce qu'on disait justement tout à l'heure, c'est qu'il y a encore et toujours des clans, c'est ça le problème. Oui, oui. Et en troisième, bon, j'ai tenu, j'ai obtenu mon brevet. Et arrivé au lycée, je pensais que voilà, c'était terminé, pour moi c'était le paradis, tout le monde me foutait la paix. Mais malheureusement, non, il y avait encore le harcèlement. Et... J'ai commencé par faire des crises d'angoisse hyper aiguës, c'est-à-dire que on fait une crise d'angoisse et on fait une tentative de suicide involontaire. Mmh. C'est-à-dire que on perd conscience, on ne sait plus trop ce qu'on fait. Et quand on reprend conscience, eh ben, soit on est en train de s'étouffer avec son écharpe, comme j'ai voulu faire dans les toilettes du lycée. Et ça m'est arrivé 2 fois, ce genre de crise d'angoisse dans mon lycée. Et mon lycée a bien réagi. À la première crise d'angoisse, ils m'ont donné un suivi obligatoire au CMP mmh. et avec l'infirmière scolaire. Mais à la deuxième, ils ont dit « Ah non, là, c'est hospitalisation. Mmh. » Et ce lycée m'a beaucoup aidé. Mes professeurs d'art, mes professeurs de musique. D'ailleurs, mon professeur de musique, quand il a découvert NAH... sur YouTube, parce que je l'avais publié sur YouTube en 2015 pour la première journée NAH qui a été instaurée par l'association Marion Fraisse. Mmh. Et J'envoie ça à l'association Marion Fraisse et je pensais pas avoir de retour. Et 2 heures plus tard, je reçois un message de l'association qui dit « c'est super, je partage sur Facebook et Twitter ». Et là, j'ai fait un petit buzz et c'est mon prof de musique qui m'a dit « fais-le au concert, tu vas voir, ça va marcher, ça va marcher ». Et je l'ai fait au concert de fin d'année en 2016 et c'est ce qui a déclenché tout le processus avec le Airplay jusqu'à aujourd'hui. C'est bien parce que déjà, toi, tu en parles parce que ça te fait du bien, mais tu donnes aussi la parole à ceux qui n'osent pas la prendre aussi. Oui, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui ont essayé de me faire taire. Je ne pensais pas que le message NAH gênerait beaucoup. Parce que pour avoir envoyé mon CD à plusieurs personnes, plusieurs institutions, et notamment à Emmanuel Macron et M. Blanquer, ministre de l'Éducation, j'ai juste obtenu des lettres qui disaient « oui, on salue votre travail » et ils ont rappelé les lois contre le harcèlement scolaire qui pour moi ne sont pas assez appliquées. Et à ce moment-là, je l'ai vraiment vécu comme une trahison. J'ai vécu ça comme un « oui, oui, mais on s'en fout ». Donc là, vraiment, en 2021, j'avais une colère tellement énorme que j'ai failli y relaisser ma santé encore, oui. Je voulais juste parler de Marion pour la présenter. Alors Marion Fraisse, elle s'est donné la mort par pendaison quand elle avait 13 ans. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, que c'était, oui. Les réseaux sociaux étaient vraiment très le dangereux. Le 13 février 2013, voilà, à 13h à 13 ans. Et sa mère a trouvé une lettre, elle téléphone, de Marion, qui dénonçait les camarades qui l'ont poussée à bout, qui l'ont amenée à commettre ce geste horrible. Il y a donc, elle avait un message, mais suicide-toi. Et j'avais vu le téléphone et sa mère de fiction du coup, elle disait, mais ça c'est un appel au meurtre, finalement. Exactement. Et j'ai eu quelques provocations comme ça au collège. Certains qui me disaient « mais vas-tu te suicider ?» ou parfois qui me montraient une corde en disant « tiens, tu veux jouer avec ?» Et ils ne savaient pas que... Du moins, certains savaient que ça me faisait beaucoup de mal, mais ils ne voulaient pas que ça se sache. Même c'était très pervers. Dès l'instant que quelqu'un voulait m'aider, il s'acharnait sur lui. Il disait « non, non, non, tu dis rien. » C'est ça qui m'a beaucoup marqué dans mon harcèlement, c'est que tout le monde savait que c'était du harcèlement, que c'était pas bien, mais personne n'a agi. Tout le monde m'a dit « écoute, c'est toi qui a été choisi, c'est comme ça ». Et c'est ça qui m'a vraiment mis en colère. La maman de Marion a écrit un livre et un téléfilm qui a été adapté de ce livre qui s'appelle « Marion, 13 ans pour toujours ». Elle a créé aussi une association qui s'appelle « Marion Fraisse, la main tendue ». Alors elle est née par de nombreux témoignages de victimes, de familles, d'enseignants, ainsi que d'éducateurs désemparés face à des situations de harcèlement et de cyberharcèlement. Son objectif est de prévenir le harcèlement et d'aider les victimes. Et ça, je trouve ça bien. Oui, il y a eu beaucoup d'associations contre le harcèlement qui se sont développées. Notamment l'association Marcellement qui m'aide énormément. L'association Marion Fraisse m'a fait découvrir de manière par internet avec YouTube et Marcellement m'accompagne beaucoup à la fois dans ma reconstruction et dans mes avancées contre le harcèlement. On parlait tout à l'heure de Jonathan Destin. Lui, il a tenté de se suicider en s'immolant par le feu quand il avait 16 ans, le 7 février 2011. Il a été harcelé du CM2 jusqu'au collège. Il a survécu, il a été brûlé à 72%. Il a passé 3 mois dans un coma artificiel, je crois que c'est pour moins souffrir du coup. Il a subi plus de 20 opérations. Il a écrit un livre qui s'appelle « Condamné à me tuer » dans lequel il explique tout ce qu'il a vécu, à savoir les coups, les insultes, le racket. Et il me semble qu'il a eu une arme à feu pointée sur la tempe aussi, je crois. Oui, oui, dans ses témoignages, du moins j'ai toujours regardé ses témoignages parce que Jonathan Destin, c'est un symbole. Il a aussi participé... à mon avancée contre le harcèlement scolaire. On devait se rencontrer, mais malheureusement, il est mort avant. Il est décédé au mois d'août, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Marcellement m'avait contacté pour me dire qu'il aimait beaucoup NAH et qu'il voulait dialoguer avec moi. Mais malheureusement, il est mort avant. Il a fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles, en toute énormément, autre chose. Oui. Et je pense que ça a aidé quand même pas mal de personnes aussi. Avec Nicolas Sirkis. Nicolas Sirkis et lui ont fait une belle campagne contre le harcèlement dans sa région. Et ça restera un symbole contre le harcèlement scolaire. Ouais. On salue sa mémoire à Jonathan et à Marion aussi. Tous ceux qui malheureusement se sont suicidés à cause du harcèlement. Notamment Christopher Fallet qui, suite à son suicide, son amie Chiara a décidé de faire l'association Marcellement. Ils ont participé à deux émissions NH qu'on a fait à Radio Guémozo. Moi, j'ai découvert les histoires de Marion et de Jonathan via deux téléfilms, à savoir Marion 13 ans pour toujours, qui est adapté du livre du même nom, qui a été créé par Nora, la maman de Marion, et Le jour où j'ai brûlé mon cœur, qui est l'adaptation du livre écrit par Jonathan. Alors, j'ai trouvé leurs histoires bouleversantes et ça m'a donné envie d'en parler à mon entourage, car moi aussi j'étais victime de harcèlement durant ma scolarité. J'ai commencé à en parler après avoir regardé le téléfilm adapté de l'histoire de Marion qui a été diffusé en 2016 à la télévision. On m'a insulté, racketté, humilié. On m'a aussi craché à la figure, poussé contre une poubelle en me disant que j'y étais à ma place. Et on m'a même dit, si j'avais été ta mère, je t'aurais explosé contre un mur à la naissance. C'est violent. Je voulais juste dire qu'il faut faire attention à ce que vous dites parce que les mots sont parfois encore plus violents que les coups. Donc, oui. Je le confirme, les mots peuvent être beaucoup plus violents que les coups. Et ce qui est terrible, c'est que c'est sournois. Parce que à l'adolescence, parfois les ados ils sont mous, on dit « Oh, c'est la puberté ». Oui, la puberté fatigue beaucoup les ados. Ça, je le confirme, je suis passé par là. Mm-hmm. Et ça a été très difficile pour moi. Mm-hmm. Mais le harcèlement, c'est sournois parce que même... Mes parents, ils me protégeaient beaucoup, beaucoup. Et quand ils ont appris que je leur ai caché tout ça, ils s'en voulaient. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu n'as rien dit ? Mais parce que c'est une violence tellement sournoise et les victimes veulent protéger leur entourage parce qu'ils ont peur des représailles. Et les mots sont tellement violents qu'ils ont peur à la fois pour eux, mais plus pour leur entourage. Je sais que c'est difficile d'en parler parce que je suis passée par là, justement parce qu'on a peur des représailles et des fois on nous dit tellement oui mais t'es qu'une moins que rien qu'on finit par y croire, mais faut surtout pas les écouter. Alors même si ça fait peur, il faut en parler, il existe des personnes qui sont là pour ça et qui peuvent vous aider. Alors la vie ne s'arrête pas au milieu scolaire, hein. Il y a quelque chose qui vous attend derrière qui s'appelle l'avenir. Oui. Et ça, il faut bien insister là-dessus. Quel message est-ce que tu voudrais faire passer aux victimes de harcèlement et de cyberharcèlement ? Que faut toujours croire en soi. Et avoir de la patience pour se reconstruire. Parce que ça ne se voyait pas quand j'ai sorti mon premier EP. Mais malheureusement, j'étais en licence musicologie. Et je suis tombé quand même, on ne va pas dire gravement malade, parce que ce n'était pas une grave, grave maladie. Mais j'ai attrapé une maladie auto-immune. Et quand j'en ai parlé avec les médecins, pour eux, ça peut venir d'un traumatisme. Et ce traumatisme, c'était le harcèlement scolaire. Et récemment, je me bats contre divers problèmes d'anxiété. D'ailleurs, l'anxiété, c'est... Oui, les personnes harcelées font beaucoup d'anxiété dans l'avenir. Mais faut croire en soi, c'est pas une tare énorme. Il y avait un temps, oui, c'était une tare tellement lourde. Mais maintenant, on arrive à soigner avec des psychologues, avec des thérapies bien ciblées. On arrive à avancer. Moi, je voulais juste ajouter que le suicide n'est pas une solution pour mettre une fin à une souffrance, au contraire. Oh non. Parce que ça ne fait qu'empirer, parce que contrairement à ce que vous pensez, vous n'êtes pas seul. Il y a votre famille, vos amis, quand vous partez, vous les entraînez avec vous, en fait. J'aime pas trop qu'on dise ça, parce que ça culpabilise un peu ceux qui pensent au suicide. Mais le suicide, pour moi, c'est une maladie. C'est-à-dire, quand les pensées sont là, on essaye de dire non. C'est un combat contre soi-même. Les autres ne comprennent pas parce qu'il n'y a pas vraiment de réel conflit avec le monde. On a un conflit avec soi-même parce qu'on a tellement été rejeté qu'on se dit « mais c'est de ma faute alors ». Pour tout vous dire, de tout ce qui était histoire d'amour de mon côté, je me l'interdis parce que plusieurs fois on m'a dit « non, tu n'auras pas d'avenir ». Non, tu réussiras rien, ou dans la musique, tu perceras jamais. Bon, je sais que je percerai jamais, mais je l'ai accepté. Je préfère avancer dans le théâtre et faire de la musique engagée à côté, plutôt que de vouloir me marteler comme je l'avais fait ces derniers temps, au point d'y laisser ma santé, oui. Tu ne perceras jamais, ça, seul l'avenir le dira, parce que si tes musiques sont partagées un peu partout, et vu le message que tu véhicules, ça peut aider beaucoup de personnes, et ça peut t'aider justement... Indochine m'a beaucoup aidé à porter ce message parce que je sais pas si vous avez vu les articles sur Rouge Matin. J'ai eu la chance incroyable d'être projeté sur leur écran géant du Central Tour. Et c'est magique parce que dans ma tête, je me disais, non, ça m'arrivera jamais malheureusement. Et quand ils ont fait cet appel à témoignage, il y a de nombreuses personnes qui m'ont dit, vas-y Maxime, essaye, envoie-leur un petit truc, on sait jamais. Et il faut savoir qu'à cette période-là, j'étais en train de soigner un problème de surménage, parce que j'avais fait un malaise il y avait 5 jours de ça à l'époque. Et je me suis dit, bon, écoute, on n'a rien à perdre, on va faire ça. Et donc, je leur envoie ma vidéo. 5 jours plus tard, je reçois un message avec un PDF pour signer une autorisation des droits à l'image, tout ça. Et je pensais être utilisé pour juste un reportage. Parce que je sais qu'Indochine, ils font énormément de choses. C'est un groupe mythique qui fait tellement de choses. Et le lendemain, après le premier concert au Stade de France, il y a une de mes copines qui est fan d'Indochine, qui m'envoie un message alors que j'étais en train de déjeuner un thé avec des œufs. Elle m'envoie un message, elle me dit « Hey, on t'a vu au Stade de France ?» Je lui dis « Mais écoute, je suis pas au Stade de France, je suis dans les Vosges, je termine mes études. » Elle me dit « Non, on a vu ta tête sur les Projo. » Alors je lui dis « Attends, quoi ?» Alors elle me dit « Attends, je t'envoie une photo. » Et là, je vois la photo, je me dis « Non, je veux voir la vidéo. » Dans ma tête, je me dis « Non, c'est pas possible. » Alors elle me dit « T'inquiète, ça va être posté sur YouTube par d'autres personnes, tu verras. » Alors je vais sur YouTube le soir même où ils étaient en train de publier ce qu'ils avaient filmé. Et là, un moment, je vois ma vidéo. Je m'appelle Maxime, j'ai 22 ans. J'ai été harcelé pendant 4 ans au collège. Et là, je me disais « Non, c'est pas possible. » J'avais promis à un défunt qui m'a vu écrire NAH. Je lui avais promis qu'un jour, on entendrait ma voix au Stade de France. Peu importe... de quelle manière, mais on entendrait ma voix au Stade de France. Et là, vraiment, j'étais hyper heureux. Et quand j'ai appris que j'allais suivre tout le Central Tour, là, c'était magique. Justement, magique. On a passé ton titre NAH tout à l'heure pendant la pause musicale. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, NAH, pour moi, c'est mon titre phare parce que je dénonce à la fois le harcèlement que j'ai subi et aussi l'inaction de l'éducation national et du gouvernement qui avait à l'époque. Parce qu'à un moment, je dis, je m'adresse à la direction des collèges, je m'adresse aux académies, aux écoles et aux universités. Si vous faites la sourde oreille, un jour ou l'autre, vous allez le regretter. Et là, je prenais vraiment le combat contre le harcèlement et aussi contre le cyberharcèlement. Parce qu'à un moment, je dis, trop d'enfants à l'école et sur Internet ont souffert. Et c'est vrai, trop d'enfants à l'école et sur Internet ont souffert et continuent de souffrir malheureusement. Je voulais juste vous parler d'un numéro de téléphone, enfin de deux. Alors, il existe un numéro de téléphone qui est le 3020. Alors, oui. Vous pouvez composer ce numéro sur votre téléphone du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, de 9h à 20h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi. Alors, vous aurez au bout du fil des personnes qui seront à votre écoute sans porter de jugement. Alors, n'hésitez surtout pas à les appeler, c'est totalement gratuit. Alors, il y a un autre numéro qui est le 3018, qui est un numéro vert national de prise en charge des victimes de cyberharcèlement à l'école. C'est 100% anonyme, gratuit et confidentiel. Alors, ça a pris en charge des milliers d'appels. C'est pour vous écouter, vous informer, vous conseiller. Donc, c'est du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. Alors, au-delà de l'écoute et du conseil, ils peuvent vous aider au retrait d'images ou de propos blessants, voire de comptes Internet. Et je trouve ça bien, mais comme d'habitude, je trouve que ça a été mis en place beaucoup trop tard. Disons que maintenant, les dispositifs sont quand même assez efficaces. Parce que dans la période où j'avais enregistré la vidéo pour Nicolas Sirkis, j'ai reçu un message mais vraiment haineux qui disait « tu vois », parce que j'avais dit sur mes réseaux que ça n'allait pas trop bien ces derniers temps. Et il y a une personne que je connais pas sur un compte anonyme qui envoyait « Ah, tu vois, j'étais sûr que tu allais clamser, ah là là !» Et qui me disait « Tiens, t'as pas été premier au trophée Rémi Raymond, donc c'est pas un hasard ou... ?» Vraiment des trucs bien personnels que seule une personne proche pouvait connaître. Alors j'ai tout de suite signalé à Instagram et en même pas, 3-4 heures, le compte a été supprimé. Mais j'ai fait un screen du message juste parce que tout ce qu'il m'a reproché, ça me touche plus du tout. Et même d'un côté, je le remercie parce que j'étais au plus bas et après je me suis dit « Attends, je vais me relever ». Et oui, je me suis relevé. Peut-être pas comme certaines personnes le voulaient, mais je me suis relevé. En étant ado, on accorde beaucoup, beaucoup d'importance au regard des autres, alors qu'en grandissant, même en vieillissant, on passe au-dessus, en fait. Parce qu'il y a des choses encore plus graves que ça. Donc, C'est mes amis de la fac qui m'ont aidé à surpasser le regard des autres. Parce que c'est vrai que le regard des autres m'a pesé quand même assez longtemps. Même un petit peu encore en ce moment, mais je travaille là-dessus. Est-ce que tu fais des campagnes de sensibilisation dans les écoles et des concerts ? Là, ces derniers temps, c'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup de concerts. Mais si on me demande pour une intervention, je regarde en fonction de mes études, si je peux descendre de Metz. Et les interventions sont possibles. Et j'en ai fait pas mal en milieu scolaire et aussi en milieu public. Je propose aux auditeurs d'écouter une petite surprise que tu nous as préparée, à savoir un slam avec une instru musicale sur le titre « Enfer » de Stromae. Exactement. Alors, à tout de suite sur RGM. Je l'ai quittée, mais elle veut pas me quitter. Et ça semble bien m'embêter, parce que je peux plus la supporter. Tout le temps, chez moi, en cours et même dehors, quand les regards se posent sur mon corps, ce qu'elle me fait vivre, je peux plus le supporter. Alors, j'ai dû me mettre sous antidépresseur. J'avoue que c'est pas flatteur, mais d'après les docteurs, c'est ma dernière chance pour la battre. Cette anxiété qui aime tant m'abattre. Cette anxiété qui aime tant m'abattre. Même quand il ne faut pas s'agiter, elle adore me faire cogiter, me convaincre que tout va mal se passer. Alors que non, et puis elle me rappelle le passé, et c'est trop tard pour l'arrêter, et ça peut durer une éternité. Alors, j'ai dû me mettre sous antidépresseur, j'avoue que c'est pas flatteur. Mais d'après les docteurs, c'est ma dernière chance pour la battre. Cette anxiété qui aime tant m'abattre. Cette anxiété qui aime tant m'abattre. Oui, ça fait beaucoup trop longtemps que je porte ton poids constamment. Oui, ça fait trop longtemps. Faut que ça s'arrête maintenant. Oui, ça fait beaucoup trop longtemps que je porte ton poids constamment. Oui, ça fait trop longtemps. Faut que ça s'arrête maintenant. Merci pour ce petit partage. De rien. Ça n'est ni dit exprès pour vous, qui a été écrit hier soir en 20 minutes. Ah oui, très rapide du coup. La chanson là, cet instru, c'est le titre L'Enfer de Stromae, où il parle de sa dépression. Alors pourquoi avoir choisi cet instru justement ? Parce que depuis cet été, je combats une dépression sévère, ce qui explique un peu mon inactivité de ces derniers temps. Et j'ai voulu vraiment battre cette dépression qui me suit depuis, bientôt 10 ans, et qui ces derniers temps, du moins avant l'été, avant les vacances, ça a pris une ampleur quand même énorme. Et je me suis dit, non, je vais me battre contre cette anxiété. Cette anxiété qui semble vouloir m'abattre. Et ce mal-être que tu as en toi, c'est dû au harcèlement scolaire ou c'est une accumulation de choses ? Je pense que c'est une accumulation de choses. Je pense que c'est à la fois le harcèlement scolaire, les tromperies amicales et amoureuses, le sentiment de trahison aussi. Et oui, pas mal d'obstacles que j'ai pu croiser aussi bien dans le monde musical que dans mon monde personnel. Est-ce que tu as déjà eu des personnes victimes de harcèlement scolaire qui ont eu le courage de dénoncer ce qu'ils ont subi grâce à tes textes ? Oui, même mes textes enclenchaient dans leur tête la volonté de faire face au harcèlement scolaire, oui. Comme un déclic, en fait, c'est ça ? Oui, voilà. Quel message tu voudrais passer aux personnes qui n'osent pas en parler ? Qu'il faut en parler, vraiment. Ne pas avoir peur, ou si on a peur que ça se retourne contre nous, on peut en parler à un psy ou à un infirmier scolaire, à un adulte de confiance dans la famille, ou à un ami plus âgé ou du même âge, et une personne de confiance. Quels sont tes futurs projets au niveau musical ou autre ? Là, en ce moment, avec mes études, mes études en cinéma ont beaucoup aidé à réaliser mes clips en indé, notamment le clip Souvenir vivant. Et là, si tout se passe bien, il y aura un autre qui sortira, mais le titre, il sera surprise. D'accord. Comme celui que tu vas nous interpréter, du coup. Un peu, oui. J'aime bien faire des surprises maintenant parce que... Oui, j'aime bien faire des surprises. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Cosmos ? Ben, là, actuellement, vu que je suis beaucoup dans la dramaturgie, d'ailleurs, j'espère que le prochain gros projet sera une pièce de théâtre. Bon, là, vu que je suis un fan de Stanley Kubrick, la pièce ne risque pas d'être accessible à tout public, hein, je préviens tout de suite. D'accord. Mais oui, je pense avancer aussi bien dans le théâtre ou dans la musique, on verra bien. Mais disons que la musique, maintenant, je ne veux plus trop en faire un métier comme je pensais pouvoir le faire. Je pense plus me diriger vers la dramaturgie, la scénographie. Et actuellement, oui, il y a beaucoup de projets en cours, mais ça demande beaucoup de temps. Et avec ma santé que je dois aussi guérir de mon côté, ça risque de tarder un petit peu. Mais rassurez-vous, on va essayer de tenir ces projets. Comme dit le dicton, tout vient à point qui sait attendre. Oui, voilà. Cette émission est maintenant terminée. Cosmos, merci d'avoir été avec nous. Ah bah de rien, c'est moi qui vous remercie. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie et que tu reviendras nous voir. Ah bah oui, Radio Gemozo, j'adore cette radio, donc je ne manquerai pas à revenir dès que l'occasion se présente. J'espère aussi que via cette interview, nous réussirons à être encore plus vigilants face au harcèlement et au cyberharcèlement, parce qu'il faut faire très très attention. Surtout pas se reposer sur nos lauriers, je ne sais pas si on peut dire oui, ça voilà, comme ça. Oui, voilà, c'est exactement ça, oui. Alors, quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Laura. Bye tout le monde!